tes yeux se sont fermés. Doucement le sommeil est venu prendre place et calmer ton esprit. J'ai attrapé ta main doucement dans la mienne et j'embrasse tendrement ta bouche qui me sourit. Mes gestes sont précis, délicats en douceur. J'ose à peine te toucher, je te sens si fragile. Tu es là près de moi, j'entends battre ton cœur. Je rêve d'être seul avec toi sur une île. Car si on ne rêve plus, c'est qu'on a tout perdu. L'amour et la raison, l'espoir et la passion. Mes mains n'ont qu'une envie, te toucher, te frôler. Mais elles ont bien trop peur d'interrompre ton rêve. Et comme moi je ne peux me faire à cette idée, je reste là tout seul, consumé par ma fièvre. Je veille à ce que rien ne puisse interrompre ce rêve merveilleux qui semble te combler. Je sens dans ma poitrine mon cœur battre à tout rompre. Je redoute l'instant où tu vas t'éveiller. Car si on ne rêve plus, c'est qu'on a tout perdu. L'amour et la raison, l'espoir et la passion. Je redoute le jour qui va prendre sa place, où le monde réel va te sauter aux yeux. Et même ton reflet, renvoyé par la glace, n'aura plus la saveur de ces jours merveilleux. Ces jours où nous avons cru au ciel, au miracle. Maintenant tout s'écroule, le monde est contre nous. Ceux qui étaient aimables ne venaient qu'au spectacle, un peu envieux de voir combien nous étions fous. Car si on ne rêve plus, c'est qu'on a tout perdu. L'amour et la raison, l'espoir et la passion. Je ne peux me résoudre à accepter le sort qui semble nous guetter et nous mettre à l'épreuve. Je t'ai promis, juré l'amour jusqu'à ma mort, et je tiendrai parole, tu en auras la preuve. J'ai promis de t'offrir une existence calme, de faire en sorte que tu n'aies plus à subir ce qui nous a amenés chacun au bord d'un drame. Je t'aimerai toujours et tiens à te le dire. Car si on ne rêve plus, c'est qu'on a tout perdu. L'amour et la raison, l'espoir et la passion. Oui, si on ne rêve plus, c'est qu'on a tout perdu. L'amour et la raison, l'espoir et la passion.